Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Troisième épisode, le repas des caïmans. Toutes les tentatives du sinistre trio dès lors de la Main Rouge pour éliminer leurs adversaires ont donc été déjouées. André et Frédéric ont été sauvés à temps de l'agression des chevaliers du chloroforme. Et l'ingénieur Pagano vient de réussir à guérir Harry Dorgan de la lèpre verte, cette redoutable maladie du Moyen-Âge que Cornelius, par un stratagème pourtant difficile à découvrir, avait réussi à lui inoculer. Grâce à cette miraculeuse guérison, les Français disposent maintenant de l'aide inappréciable des milliards et des relations de Fred Jorgel pour se lancer sur la trace du professeur Bondenat. Justement, ils viennent de recevoir une lettre du célèbre savant. Elle porte le cachet de la Nouvelle-Orléans. Ils ont aussitôt décidé de se rendre en Louisiane. Quelle chaleur! Et nous ne sommes qu'à Saint-Louis. Qu'est-ce que ça va être quand nous arriverons à la Nouvelle-Orléans? Tu as pu dormir, toi, Frédéric? Oh oui. Très bien. Cet hôtel est vraiment très confortable. Je me suis endormie la fenêtre ouverte, bercée par le chant du Mississippi. C'est ce voyage en train qui m'avait épuisée. Oh oui, moi aussi. J'ai bien cru qu'il n'en finirait jamais. Oui. Ouh ! Antoine ! Nous sommes ici. Oui, par là, sous le palmier. Venez. Ah, bonjour, mesdemoiselles. Déjà levées ? Et seriez-vous déjà prête à partir ? Bien sûr. Quand vous voudrez, mais à une seule condition. Moi, je refuse de prendre le train. Plus de train, fini les trains. Eh bien, nous pourrions y aller en bateau. Oh oui, en bateau. Oui. Oh, quelle bonne idée. J'ai toujours rêvé de descendre le Mississippi en bateau. Et si on essayait l'Arkansas? L'Arkansas? Mais oui, l'Arkansas. Vous n'avez pas vu cette affiche dans le hall de l'hôtel, près de la réception? Ah non. Hein? Où allez-vous? Mais attendez, où allez-vous? Par la pipe. Mais attendez-nous. Hé, hey, attendez-nous. Elle est juste là. Voilà. Précieux avertissement aux ladies et gentlemen amateurs de tourisme. Oui. Oxygène, célérité, musique. Atmosphère vivifiante des forêts du Mississippi. Voyage extra rapide sur le yacht de luxe, l'Arkansas. Voilà. Ah. Orchestre de 30 musiciens. Cuisine française et anglaise, oui. Confort de premier ordre, innombrables attractions à bord, pêche, chasse, sport en tout genre. L'Arkansas effectue le trajet de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans en 30 heures. Prix des places, $120. C'est cher. Ah oui, c'est un peu cher. Excusez-moi de vous déranger, messieurs et mesdames, mais je suis le gérant de l'hôtel. Et si vous me permettez de vous donner un conseil, je vous engagerai de prendre passage à bord de l'Arkansas. Mais enfin... Non, rassurez-vous, mademoiselle, je n'ai aucun intérêt dans la société à qui appartient ce bateau. Mais nous tenons également à ce que notre clientèle soit toujours satisfaite. Le prix du passage sur l'Arkansas est sans doute plus élevé que celui des autres paquebots, mais cela est compensé par les avantages qu'il présente. Par exemple? Eh bien, cette affiche en indique la plus grande partie. De plus, l'Arkansas ne peut emmener qu'une centaine de passagers. Tous d'ailleurs, gentlemen du meilleur monde. Ainsi, cela évitera la promiscuité désagréable des paquebots ordinaires. Je vois, oui. Ah oui, je comprends. Eh bien, nous allons y réfléchir. Excusez-moi d'insister ainsi, mais il faudrait que vous me donniez votre réponse avant 6 heures. L'Arkansas lève l'ancre demain matin et il reste très peu de place. Bon, très bien, ça suffit, monsieur. Nous vous donnerons notre réponse en temps voulu. Hein? Merci beaucoup. Et à votre service. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Roger? Ce gérant a l'air très aimable. Oui, très aimable. Eh bien, moi, je trouve son insistance étrange. Et je me demande même si... Oh, voyons, Roger. Mais vous voyez maintenant la main rouge partout. Moi, ce voyage me tente. Et toi, André? Moi aussi. Cela ressemblera à des vacances. Et je crois que nous en avons tous besoin. Ah, ça. Allez. Oh, quel cirque pour un départ de bateau! Oh, c'est vous ne trouvez pas? Oui, c'est tout à fait américain, non? Tout à fait. Vous avez vu les passagers, quelle élégance! Oh, un peu voyante peut-être, non? Oh, regardez celui-là! Là, avec son gilet rouge et son pantalon à carreaux! Et l'autre là-bas, celui qui a une longue vue! Il est ridicule! Quelle chaleur! Vous avez vu? On se croirait au milieu d'un lac. Tellement le Mississippi est large ici. J'ai l'impression que nous allons faire un très beau voyage. Qu'en pensez-vous? Oh, sûrement. Eh bien, Roger, toujours inquiet? Oh non, non, non, non, vous aviez raison, j'ai trop d'imagination. L'Arkansas, c'est un bateau très agréable, et cette croisière s'annonce très bien. Le linge est servi sur le pont supérieur. Le linge est servi. J'ai une de ces fins. Oh, j'ai l'air du large. Qu'y a-t-il au menu, Roger? Attendez, je vais vous lire ça. De la soupe aux huîtres, du saumon à la canadienne, du roast beef à la française, accompagné de sauce à l'américaine. Des iguanes à la sauce caraïbe. Il y a des fruits exotiques et de la mousse au chocolat et à la confiture de mangue. Très bien. C'est tentant. Le menu convient-il à ces messieurs dames? Oui, très bien. Et que boiront ces messieurs dames? Nous avons du Pale Ale, du Stout et des vins de France. Ah, le vin de France me tente très bien, et vous? Oui, du vin de France. Un petit peu de... Comment entrer là? C'est très bon ça, d'ailleurs. Elle est très bonne, cette soupe aux huîtres. Qu'en penses-tu, André? Je l'ai jamais mangé. Non. André, en bateau, les choses je te parle. Mais qu'y a-t-il? Tu as l'air inquiète. Tu as vu ces deux hommes? À la table, là-bas. Là-bas? Oui, la troisième à droite. Oui? Eh bien, ils me donnent froid dans le dos. En plus, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Celui qui a un énorme crâne chauve et des lunettes en or? Oui. On dirait un oiseau de proie, tu ne trouves pas? Par contre, son voisin a l'air plus sympathique. Il a l'air... Mais il n'a pas une allure très rassurante non plus. Entrez. En tout cas, il n'arrête pas de nous regarder. Eh bien, que chuchotez-vous donc, toutes les deux, là? Nous parlons de ces deux hommes, là-bas, à la troisième table. Vous ne les trouvez pas inquiétants? Inquiétants? Oh non, non, non, ils ont seulement des drôles de têtes. Enfin, des têtes, comme on en voit souvent en Amérique. Non, non. Enfin, ils n'arrêtent pas de regarder dans notre direction. Je me demande bien pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes ravissantes toutes les deux, mesdemoiselles. Oh, Roger, comme vous êtes galant. Bah, ce vin est exécrable. Ils appellent ça du vin de France. Heureusement que le repas, lui, est excellent. Hein. Ouf, ils s'en vont. Qui ça? Ah, oui, les... Les deux admirateurs. Les deux admirateurs. Exactement. Mais ça, je dois reconnaître en effet qu'à la réflexion, ils n'ont pas l'air très rassurants. N'est-ce pas? Ils m'ont presque coupé l'appétit. Alors, Fritz, tout est prêt pour ce soir? Tout est prêt, mon cher Cornelius. Il est vraiment temps que nous soyons débarrassés de ces maudits Français. Baruch n'est au courant de rien, n'est-ce pas? Non, nous lui apprendrons la chose quand tout sera terminé, ça vaut mieux. Il risque de ne pas être très content. Eh bien, s'il n'est pas content, nous lui dirons que nous n'avions pas le temps de le consulter, qu'il fallait agir vite. Un point, c'est tout. Notre homme est en retard. Ah, au fait, qui est-ce ? Dodge. Il est entièrement dévoué à la main rouge. Il a été plusieurs fois condamné pour vol et pour meurtre. Et il a séjourné au nombre de fois dans l'île des pendus. Dodge. N'était-il pas l'une des sentinelles qui surveillait le vieux Bondona ? Si. J'aurais préféré Slug. Mais malheureusement, il n'est pas encore guéri des coups de revolver que lui a donné Fred Yorgel. D'ailleurs, j'ai bien cru cette fois qu'il n'en réchapperait pas. Ah, le voilà enfin. Entrez ! Entrez et refermez la porte. J'ai reçu un avis me demandant de me rendre dans la cabine 29. Oui, c'est nous qui t'avons fait appeler. Nous avons des ordres à te transmettre de la part des lords de la main rouge. Très bien. De quoi s'agit-il ? Mais voilà. Cette nuit, pendant que les passagers dormiront, il faut que l'Arkansas sombre, corps et bien. Tu es chauffeur à bord et tu dois savoir comment faire. Mais... N'oublie pas, c'est un ordre des lords de la main rouge. D'ailleurs, tu ne cours aucun risque. N'oublie pas que sans la protection de la main rouge, tu n'aurais pas 48 heures à vivre, tu le sais. Ah, autre chose. Avant de provoquer ce naufrage, tu nous conduiras à terre. Entendu, sir, je vous obéirai. À 11h30 précise, je viendrai vous chercher dans cette cabine pour vous faire descendre dans un canot. Très bien. Tiens, voici $50. Et prends-les, hein. Tu offriras à boire à l'équipage. Il faut qu'il soit suffisamment ivre pour ne pas te déranger dans ton travail. Tu peux disposer. Ce soir, sir. Ce doit être la première escale. Ceux qui vont descendre ici ne savent pas à quoi ils échappent. Si nous montions sur le pont, Fritz, il fera plus frais. Oh, quelle chance. Porteur, ici, j'ai deux mal à prendre dans la cabine. C'est une toute petite escale ici, on dirait. Regarde, André, il n'y a qu'une dizaine de passagers qui montent. André ? Mais qu'y a-t-il ? Qu'as-tu ? Tu es toute pâle. Ce jeune homme qui monte, là. Là, regarde. Ben oui, il a belle allure, mais... Mais qu'as-tu ? Ses yeux. Tu n'as pas vu ses yeux ? Oui, eh bien. Oh, non, je dois être fatiguée. J'ai cru reconnaître les yeux de Baruch Yorgel. Voyons, André. Tiens, regarde à qui il dit bonjour, ton jeune homme. À nos admirateurs de tout à l'heure. Eh bien, par contre, le départ ne les intéresse pas. Ils s'en vont dans leur cabine. Mais enfin, mon cher Baruch, pardon. Mon cher Joey Dorgan. Ok. Hein? Que se passe-t-il donc ? Votre arrivée est vraiment une surprise. Vous nous espionnez ou quoi ? Non, je ne vous espionne pas du tout, mais moi aussi j'ai mes informateurs. Et je dois vous avertir qu'il se passe des choses très graves. Ah, et de quoi s'agit-il ? Très grave. Hein ? De quoi s'agit-il ? Harry Dorgan est complètement guéri. Votre fameuse lèpre verte ne l'a retenu au lit que le temps d'une simple grippe. Et alors ? Ce n'est que cela. Nous le savions. C'est même l'ingénieur, Antoine Pagano, un digne élève de son maître, le professeur Bondona, qui a réussi à découvrir le microbe et à appliquer le traitement adéquat. Vous voyez, Baruch, nous sommes au courant de tout. Vous ne pouvez rien nous apprendre. Oui, mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que mon pseudo-père, William Dorgan, quand il a appris que son fils était gravement malade, s'est immédiatement rendu à son chevet. Et tout ce que j'ai fait est donc devenu inutile. Oui, parfaitement inutile. Sont maintenant réconciliés et William Dorgan consent même au mariage de Harry Dorgan avec Isidora. Ah, diable, ah, ça se gâte. En effet, il est temps de reprendre les choses en main. Je voudrais mieux éviter cependant certaines maladresses du genre de celles que vous faites sans me prévenir. Et quelle maladresse, s'il vous plaît ? Eh bien, la robe peinte d'une main sanglante que vous avez envoyée à Isidora, par exemple. Pourquoi avez-vous fait cela ? Ah, ridiculous, maladroit. Nous avions nos raisons. Oui. Lesquelles ? Cet envoi précédent de quelques heures, la maladie de Harry Dorgan était destinée a frappé Fred Young et sa fille. D'une terreur telle que... Vous parlez d'une terreur. Le seul résultat auquel vous serez parvenu, c'est d'avoir réuni Fred Jorgel et les Français. Et maintenant, ils vont remuer ciel et terre pour découvrir Bondona. Ne vous inquiétez donc pas tant, Baruch. Les Français ne nous dérangeront plus très longtemps. Qu'est-ce que vous avez encore préparé, Puisque vous êtes si bien renseigné, Baruch, vous devriez savoir que les Français sont à bord de l'Arkansas. Oui, je le sais, alors. Et alors, eh bien, ce soir, l'Arkansas aura sombré corps et bien. Plus d'Arkansas. Et plus de Français. Ah, ça, non, hein? Non, non, il n'y en est pas question. Mais dites-moi, je constate depuis quelque temps que vous ne vous donnez même plus la peine de venir me consulter. Le sens sera vite fait de notre association, je vous préviens, si vous continuez ainsi. Mais voyons, Baruch, calmez-vous. Il ne s'agit pas de ça. Nous étions obligés de faire vite. Et nous n'avons pas eu le temps de vous prévenir. Un point, c'est tout. Mais il n'avait jamais été question de cela entre nous. La lettre de Bondona expédiée à sa fille de la Nouvelle-Orléans avait seulement pour but de les éloigner et de leur faire perdre du temps. Voilà ce que nous avions convenu, pas autre chose. Enfin, c'est... Eh bien, entre-temps, nous avons réfléchi, nous avons changé d'avis, c'est tout. Mais ben, moi aussi, j'ai réfléchi, et je m'oppose absolument à votre projet. Et peut-on savoir pourquoi? Eh bien, d'abord, je ne veux pas qu'André de Maubreuil meure. Oui, je l'aime, je sais qu'elle me déteste, mais justement, je l'aime, et ce sera mon triomphe de me faire aimer d'elle de gré ou de force, je l'aime. Devenez sentimental, Baruch. Ensuite, le moment est vraiment bien mal choisi pour attirer l'attention sur la main rouge. Harry Dorgan et Fred Jorgel sont prêts à tout pour démanteler l'association, et il suffit d'une enquête bien menée pour remonter jusqu'à nous, réfléchissez bien. Baruch a peut-être raison, qu'en penses-tu, Cornelius? C'est bon, très bien, nous remettons cela une autre fois. Mais attention, Baruch, attention, vous semblez oublier votre première visite chez moi à New York. Hein? Il n'y a pas de ça si longtemps. Ah! Entrez! Les préparatifs sont terminés, sœur. J'attends vos ordres. Les ordres ont changé! Catastrophe n'aura pas lieu. Retourne à ton travail. Et oublie que tu nous as rencontrés. Mais... Et les $50, sœur? Oh, garde-les. Ils sont à toi. C'est bon, tu peux disposer. Eh bien. Il ne reste plus qu'à descendre à la prochaine escale. Arcadie, New York. Oh, comme le paysage est beau. Oui, c'est magnifique. Jamais je n'aurais cru qu'il puisse y avoir une végétation aussi extraordinaire le long du Mississippi. Ouf! Maintenant seulement, je peux apprécier le paysage. Pourquoi maintenant? Depuis que ces trois hommes sont descendus, je me sens mieux. Je ne sais pourquoi, mais... Ils me causaient un malaise inexplicable. Surtout le plus jeune. Si je n'avais vu que ses yeux, j'aurais juré que c'était Baruch. Baruch! Oh, tu as vraiment trop d'imagination, André. Tiens, voici Antoine et Roger. Antoine, Roger! Wouh! Venez! Vous avez vu? C'est féerique, non? Ah, féerique peut-être, mais quelle chaleur! Oh, tenez! On dirait que le fleuve fume. Ah oui? Oh, regardez! Là, un crocodile. Et là, un autre. Où sont les tortastés? Ce n'est vraiment pas le moment de tomber à l'eau. Hé, si on s'amusait à tuer quelques crocodiles, ça serait du sport, non? Allez, c'est une bonne idée. Je vais chercher mon fusil. Oui, moi aussi, j'y vais. Raté. Oh, plein dans l'œil. J'en ai déjà tué ta mort. Regardez, les grands petits vivants se précipitent pour déchiqueter ceux qui sont morts. Regardez. C'est horrible. Je ne peux pas supporter cela plus longtemps. Allez, André, retournons dans notre cabine, viens. Regardez là-bas. Attends, que se passe-t-il? Antoine, vous voyez quelque chose? Mais oui. Regardez là-bas, sur la rive. Ces deux hommes qui courent. Mais Antoine, on dirait qu'ils sont poursuivis. Mais oui. Attendez que je prenne mes jumelles. Attendez, qu'est-ce que vous voyez? Oh, ce sont deux blancs. Il y a bien, une trentaine de noirs qui les poursuivent. Les noirs sont armés. Les deux blancs, on les répuisait, ils perdent du terrain. On dirait bien que l'un des deux blancs est un peau rouge. Et si on pariait? On parie. Alors, ils s'en sortent ou ils s'en sortent pas. D'accord. Moi, je mise 5 dollars sur le blanc. 10 dollars. Ouais, 10 dollars. Limonier, rapprochez-vous de la rive. Nous verrons mieux. Quelle belle chasse à l'homme en perspective. Le blanc a l'air épuisé. Eh bien, moi, je mise 100 dollars sur Pourou. Tenu. 1000 dollars sur les nègres, qui dit mieux? Vous n'avez pas honte de miser sur des nègres? Ah, ça, c'est vrai, madame a raison. Enfin, messieurs, si vous étiez de vrais Américains, vous ne laisseriez pas une troupe de nègres donner la chasse à des gens de notre race. Ça, c'est vrai, absolument. Tirons sur les nègres. Mais c'est horrible! Ils tirent sur les noirs comme sur des animaux! C'est une chose qui n'arriverait jamais en France! Espérons-le! J'en ai un! Mais je crois bien que j'en ai blessé un! Ils s'enfuient! Hurrah! Pour la vieille Amérique! Hip hip hip! Hurrah! Oh, ça suffit! Ça suffit! Une chaloupe à la mer! Ramenez ces deux hommes à bord! Regardez! Regardez là! La chaloupe revient! Ah! Ils reviennent! Dans quel état? Dans quel état? Regardez! Les vêtements sont en lambeaux et ils sont couverts de sang. Si c'est pas malheureux de voir ça, oh mon Dieu! Je vais leur donner des habits pour savoir faim. Un bon coup de whisky les remettra d'aplomb. Tenez, mes amis, buvez ça. Merci, merci. Ah, un vrai velours sur l'estomac. Ah! C'est bon! Doucement. Ah. Bon, eh bien, maintenant vous allez pouvoir nous expliquer d'où vous venez et nous raconter votre aventure, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Permettez-moi d'abord de me présenter, je suis... Ça alors! Dodge! Dodge, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi, c'est ton maître Trompe de la main rouge! C'est pas vrai! Je vous jure, je te tiens, gredin! Lâchez-le! Mais il va l'étrangler! Le matelot a l'air de reprendre le dessus! Oh, vraiment, on ne s'ennuie pas un seul moment sur ce bateau, c'est passionnant! C'est horrible! Il a jeté le marin par-dessus bord et les crocodiles l'ont aussitôt déchiqueté! C'est monstrueux. C'est horrible. La loi du lâche. La loi du lâche. Qu'on les jette tous les deux par-dessus bord. Oui. La loi du lâche. Arrière. Arrière. Le premier qui me touche, gare à lui. Je vous avais prévenu. Au second. Ah, personne n'ose plus avancer, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à les abattre. Mais oui, tuons-les. Ça suffit. C'est moi qui suis seul le maître à bord de ce bateau. C'est donc à moi de décider. Ces hommes ont tué un des miens. Ils seront donc jugés légalement quand nous débarquerons à la Nouvelle-Orléans. Quant à vous, messieurs, je vous donne 3 minutes pour vous rendre. Passez ce délai, je vous abats comme des chiens. Puisque vous nous le proposez avec tant de courtoisie, capitaine, c'est bien. Nous nous rendons. Très bien, suivez-moi. Je vous mettrai moi-même au fer. Oh, capitaine! Interrogez-les d'abord. Ah oui, que nous sachions qui ils sont, d'où ils viennent. D'accord, je veux bien. Mais à condition que ça se passe dans le calme. Toi, le pont rouge, comment t'appelles-tu? Clum, mon capitaine. Très bien. Et vous? Je me nomme Lord Astor Buridan. Je suis celui dont tous les journaux ont annoncé la mort il y a quelques mois. Et comment êtes-vous revenu de l'au-delà? Eh bien, en fait, c'est assez compliqué à raconter. Je me trouvais en compagnie de Clum sur un navire chargé de cercueils de Chinois quand nous avons fait naufrage. Mais heureusement, nous avons pu gagner une île qui appartient à la main rouge et qui s'appelle l'île des pendus. Où nous avons été faits prisonniers et où nous avons été chargés de surveiller les phoques à fourrure. Les phoques à fourrure. Intéressant. Et où se trouve cette île? Ça, je l'ignore. Et peut-on savoir comment vous vous êtes échappé de cette île? Dans un aéronef. Oui. Oui, dans un aéronef qui nous a déposé au milieu d'un village de noirs. Ces misérables ont brisé notre machine et... Eh bien, vous connaissez la suite. Et pourquoi avez-vous tué mon chauffeur? Parce que c'était un des bandits de la main rouge qui nous gardait dans l'île des pendus, capitaine. Ce sont sûrement des fous dangereux échappés d'un asile. Mais c'est aussi mon avis. Bon, allez, suivez-moi, vous deux. Ce soir, nous serons à la Nouvelle-Orléans et je vous remettrai aux autorités. Vous retrouverez vite l'asile d'où vous vous êtes échappé. Nos amis, nous venons de le voir, ont été bien près de découvrir le secret de la retraite du professeur Bondona. Mais leur destin leur permettra-t-il d'approcher un jour leur buridan? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le Gorille Club. C'était le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 13e épisode, le repas des Caïmans. Avec Michel Bouquet, Simon Maya, Pierre Vanek, Pierre Constant, Jean-Jacques Stine, Gilles Guillot, Maurice Gauthier, Jean-Jacques Aslanian, Jean-Pierre Joris, Jean Topard, Catherine Laborde. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 13 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.